Chapitre 5e. On avait trouvé le testament du gentil monsieur et cette pièce importante figurait au dossier. C'était un testament holographe, établi selon les prescriptions de la loi. Il était écrit, daté, signé de la main du défunt, qui déclarait léguer l'intégralité de ses biens à sa sœur, Nathalie Pervenche, de 3 ans son aînée, célibataire, sans profession, domiciliée à Bourg-en-Bresse. C'est à ce sujet que l'inspecteur avait convoqué le neveu de M. Séraphin, Pierre d'Arken, le serviable et dévoué Pierrot, démarcheur infatigable de l'usurier. Il répondait de bonne grâce à toutes les questions qui lui étaient posées. « C'est exact, monsieur l'inspecteur. Je connaissais de longue date l'existence et le contenu de ce document. Mon pauvre oncle Séraphin m'en avait parlé à diverses reprises. Ses dernières volontés ne vous ont-elles pas, comment dirais-je, déçues, froissées peut-être ? En somme, vous étiez à la fois son neveu et son collaborateur. Il n'eût été que juste, que tout naturel qu'il ait songé à vous. Je lui en avais fait la remarque lorsqu'il m'a communiqué ses intentions pour la première fois, il y a 2 ou 3 ans. Et quelle a été la réaction de votre oncle ? Il s'est expliqué posément. Je m'étais du reste montré extrêmement mesuré lorsque je lui ai exprimé ma désillusion. « Pierrot, m'a-t-il dit textuellement, je ne suis pas disposé à casser ma pipe de sitôt. De plus, ta tante Nathalie est maladive, elle ne dispose que de maigres ressources alors que toi, tu es jeune et bien portant. Tu jouis en mes bureaux d'une situation lucrative et agréable et tu sauras toujours tirer ton plan. Elle, pas, car ses intestins délicats lui interdisent toute activité. Vous êtes étranger à ces raisons ? Certainement. Je ne suis pas intéressé de nature et je vis suivant mes ressources. Le décès de mon oncle Séraphin me cause un préjudice énorme. Il me payait grassement. Et je vais être contraint d'accepter une quelconque place de gratte-papier qui me forcera à rester cloîtré à longueur de journée dans un bureau sentant le moisi en contrepartie d'un salaire dérisoire. » Pierre d'Arken s'exprimait avec aisance. Il devait avoir fait de bonnes études. Une seule chose choqua en lui, une affectation d'élégance trop voyante, de mauvais goût. Sa cravate, par exemple, affichait une tonalité verte agressive et le beige de son feutre était trop clair. C'était du reste un magnifique Borsalino. Et votre tante, connaissait-elle la générosité posthume du défunt ? Je l'ignore. Depuis des années, j'avais perdu tout contact avec elle. Ah ! Pierrot s'expliqua avec franchise, en souriant d'un air désabusé. Tante Nathalie est une bigote. Elle ne comprend pas qu'un garçon de mon âge ait le droit de s'amuser un peu avant le mariage. L'inspecteur Quentin hocha la tête, compréhensif. Puis, un peu au hasard, il fit un coq à l'âne que lui inspirait la mise recherchée de son interlocuteur. « Participez-vous à l'encouragement de l'espèce chevaline ? C'est toi, Pierrot, ris de bon cœur. Si vous entendez par là que je fréquente les champs de course, vous vous trompez. J'y étais 2 fois, en tout et pour tout, il y a 5 ou 6 ans. J'ai perdu quelques louis et cela m'a découragé. Du reste, l'auteur fait vivre autant de personnes qu'il faut bien, en fin de compte, que quelqu'un les paye. Et la vache à lait, c'est le joueur. » N'est-il pas vrai ? En effet. L'inspecteur rougissait de confusion d'avoir émis la supposition qu'un garçon aussi bien que Pierrot puisse aller perdre son temps sur les hippodromes. Il s'excusa, en bredouillant quelque peu. « Tout à fait entre nous. Je suis un mauvais policier, car j'aimais. Je n'étais capable de bluffer. » Son interlocuteur esquissa un léger sourire où la politesse le disputait à la compassion. « Il n'y paraît guère, » dit-il avec urbanité. « Oserais-je vous demander si vous êtes joueur ?»« Au bar de l'Étoile du Nord, je pratique assidûment la belote et le zanzi. Je joue avec des copains, pour l'apéritif, jamais pour de l'argent. C'est contraire à mes principes. »« Vous me semblez aussi raisonnable et aussi rangé que feu votre oncle ?»« J'ai en effet exactement son caractère. » Odilon Quentin eut un frémissement intérieur. S'il en était réellement ainsi, Pierre d'Arken était une infâme fripouille. « Et les petites femmes ?» demanda-t-il en lançant clin de yeux grillard. « Comme mon oncle, je papillonne. » À cet instant, la sonnerie du téléphone fit vibrer son appel strident. L'inspecteur décrocha, faisant signe au jeune homme que sa présence ne le gênait nullement. La conversation fut brève et incompréhensible. Le policier ne s'exprimait que par monosyllabes. Il termina cependant avec une phrase complète. « Je vous remercie. À tout à l'heure. » Sur quoi le gros homme se leva en observant « On n'est jamais tranquille dans ce fichu métier. Je vous remercie, monsieur d'Arken, et je vous prie une fois de plus de m'excuser. » Dès que son visiteur eut refermé la porte de son bureau, l'inspecteur sonna Marcel. Va au vestiaire me chercher une casquette d'employé du gaz, lui demanda-t-il en souriant, et choisissant une suffisamment large pour que j'y puisse introduire ma grosse tête. Et comme le garçon du bureau le regardait de ses yeux ébahis, car jamais son chef n'usait de tels travestissements, il ajouta, dans l'intention de justifier cette dérogation à la règle, « Madame Blanchette vient de me téléphoner. » Le modeste employé ne connaissait pas cette femme au nom de chèvre. Il haussa les épaules et se hâta d'obéir. Trois quarts d'heure plus tard, l'inspecteur principal Quentin, un képi d'employé du gaz sur la nuque, recevait de Madame Blanchette la confirmation de sa communication téléphonique.